Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat du juge Michel le 21 octobre 1981. 6 ans après le juge Renaud, victime de la pègre lyonnaise, son confrère Pierre Michel tombe sous les balles du milieu, cette fois à Marseille. Pour la deuxième et dernière fois ce jour, en France, un juge est assassiné. Il faut dire qu'en ce temps-là, à Marseille, les truands tiennent le haut du pavé, les voyous, les bandits, les gros bonnets de la grode se croient intouchables. Venu de Metz, d'abord juge des mineurs, Pierre Michel peut mesurer les dégâts de la drogue sur la jeunesse. C'est probablement ce qui le pousse à s'attaquer aux trafiquants qui ont fait de Marseille la plaque tournante mondiale du trafic. Pendant 7 ans, il va mener à la paix une guerre sur ses terres, avec ses méthodes. Par un locaux débusqué, arrêté, laboratoire démantelé, pour le juge Michel, peu importe la manière, l'idéal de justice doit l'emporter, Marseille doit être nettoyée. Et c'est ainsi, tout comme le juge Renaud, que Pierre Michel va se créer tout un réseau d'ennemis qui vont tous avoir une bonne raison de vouloir sa mort. Alors qui l'a tué? Qui était vraiment le juge Pierre Michel? Comment l'enquête a-t-elle abouti à la condamnation de plusieurs figures du milieu marseillais? Et surtout, a-t-on arrêté les bons coupables? Notre invité pour revenir sur ces événements, c'est le journaliste et grand reporter à l'Express, Éric Pelletier. Il est l'auteur, avec Jean-Marie Ponto, du livre intitulé « Qui a tué le juge Michel ?», paru en octobre 2014 aux éditions Michel Lafon. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France, et de l'INA, attaché de production Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyen et Jérôme Chélius, programmation musicale Thierry Dupin, voix du détenu Philippe Pirard, à la technique aujourd'hui Jean-Noël Vellan, Alexandre Chenet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Marseille, 21 octobre 1981, midi et demi, pause déjeuner. Greffiers, juges et avocats sortent du palais de justice. Parmi eux, un homme, sa serviette en cuir à la main, se dirige vers sa moto arrimée au gris du palais. Il la détache, met son casque blanc et démarre. Il rentre chez lui, 4 boulevards Marin, dans le 6e arrondissement. Il prend la direction du sud de la ville, comme d'habitude. Il ne réalise pas qu'il était pris en chasse. En effet, 50 mètres derrière lui, une autre moto de plus gros cylindre, celle-là, sur laquelle ont pris place 2 hommes habillés de vêtements sombres, le suit comme un chasseur qui file sa proie et semble attendre le bon moment pour agir. Les minutes passent, les kilomètres défilent, les motos se faufilent dans la circulation. Les motards passent l'avenue de Breteuil, puis la rue Paradis lorsqu'ils se retrouvent sur l'avenue du Prado, puis sur le boulevard Michelet ou dans la contre-allée, au pied de l'immeuble de Le Corbusier, le premier motard marque l'arrêt à un stop, la souricière, le piège mortel. Aussitôt, le juge est rattrapé par la moto qui le suit depuis son départ du palais de justice. Elle arrive sur sa gauche, à 2 mètres. Le pilote hurle à son passager « Vas-y, vas-y !» Alors, l'homme sur le siège arrière sort une arme et tire à 3 reprises. Le juge Michel s'effondre, mortellement touché à l'abdomen et à la tête. Il ne se relèvera pas. La moto et ses 2 occupants repartent et s'engouffrent dans le dédale des rues avoisinantes. On ne le reverra pas. Averti par un témoin de la scène qui pense avoir assisté à un accident, les gendarmes en mission se déroutent et s'arrêtent sur le lieu du drame. Ils sont les premiers à constater la mort du motard qui gît à terre. Un filet de sang s'échappe de son casque. Les gendarmes cherchent à établir l'identité du motard. Dans l'une des poches de sa parka foncée, il trouve son portefeuille. Papier, photos et carte professionnelle de magistrat numéro 8864. Aucun doute, il s'agit du juge Pierre Michel, magistrat marseillais, en charge de l'enquête sur le réseau de trafiquants aux multiples ramifications, héritier de la French Connection. Le soir même, la nouvelle fait la une de tous les médias. On a tué un juge. Madame, monsieur, bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Pierre Michel, 38 ans, 2 enfants, était un magistrat brillant, chargé de tous les grands dossiers criminels de la région de Marseille, et notamment des affaires de stupéfiants, de fausses monnaies et aussi de la tuerie du bar du téléphone. Les faits d'abord sur des images très dures. Le juge travaillait étroitement avec ses collègues italiens sur une possible renaissance de la French Connection concernant le trafic de drogue en direction Europe-États-Unis. Pas d'indice. Une chose est certaine, c'est un coup de professionnel parfaitement mis au point. Les 2 meurtriers ont pris la fuite. Pour le compte de qui ont-ils agi? Le juge Michel était-il sur le point de découvrir une grosse affaire? S'agit-il d'un geste spectaculaire destiné à impressionner les autres magistrats ou même le milieu international? Personne ne le sait. Pour le moment, il n'y a ni piste ni explication. C'est au juge Patrick Guérin que l'enquête est confiée avec une première certitude. Il s'agit d'un assassinat en règle, organisé, prémédité. L'État met de gros moyens à disposition de la justice pour retrouver les coupables. 40 policiers se relaient 24 heures sur 24. Il faut dire que dans la ville du ministre de l'Intérieur, Gaston Defer, l'assassinat d'un juge fait mauvais genre et surtout mauvaise presse. Pour les enquêteurs, le mode opératoire des tueurs est une signature. Une moto de gros cylindrée, volée, des hommes cagoulés, un pistolet 9 mm avec des balles à pointe creuse destinées à graver les blessures. C'est bien le milieu qui a frappé contre un juge trop motivé. Oui, mais qui précisément? Pour le juge d'instruction Patrick Guérin, chargé de l'enquête, la réponse se trouve très probablement dans le bureau de son collègue assassiné, dans l'une des affaires qu'il a déjà traitées ou qu'il traitait au moment où il a été tué. Mais il en a instruit tellement. Comment s'y retrouver, partir d'emblée sur la bonne piste? L'enquête semble déjà piétinée. Présent à Marseille, le correspondant de France Inter, Hugues Girard, en explique les raisons. Pour les policiers de la section criminelle de Marseille, c'est presque mission impossible, à moins d'une dénonciation ou d'une piste miracle. Ils savent déjà qu'il sera plus que difficile de remonter jusqu'aux deux tueurs à moto et plus difficile encore, si c'est possible, d'identifier les commanditaires. Le juge Michel, en 7 ans de carrière, avait accumulé tous les dossiers les plus brûlants du grand banditisme, de la fausse monnaie, de la drogue et des attentats. Chacun de ces dossiers contient en soi une longue liste de suspects. De surcroît, nul ne peut totalement rejeter l'hypothèse de la vengeance d'un voyou que Pierre Michel aurait fait condamner voici quelques années. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, et pourtant depuis 24 heures, les policiers cherchent. D'abord, ils vérifient qu'aucun truand connu dans la région n'a eu une subite envie de vacances à l'étranger. Ils écoutent aussi, au cas où quelqu'un dans un bar, par exemple, se vanterait d'avoir descendu un juge. Cela, c'est la routine. La véritable enquête se fera dans les dossiers de Pierre Michel, et notamment dans celui de la filière sicilienne, patronnée par la mafia, mais où les Marseillais occupent les places de chimistes et de commis voyageurs très spéciaux. Tout le monde est d'accord pour dire que seule la mafia avait vraiment intérêt à voir disparaître très vite Pierre Michel, et que seule la mafia pouvait organiser un assassinat en plein jour et en plein centre-ville. Les tueurs, cependant, ont eu besoin de complices, ne serait-ce que pour se procurer une moto et une arme, et c'est peut-être de ce côté-là que viendra la première piste. La première piste est effectivement celle de la moto, une Honda CB900 rouge Boldor, aperçue par les différents témoins sur la scène du crime. Coup de chance pourtant, on la retrouve 48 heures après, abandonnée dans un quartier de Marseille. La machine est intacte, elle est aussitôt rapatriée, inspectée puis désossée pour retrouver le moindre indice. Et on en trouve une empreinte digitale au dos de l'autocollant d'une marque d'huile apposée sur le carénage. Une piste sérieuse, car le propriétaire de la moto volée un an plus tôt affirme aux enquêteurs que l'étiquette n'était pas là au moment où il possédait cet engin. Les policiers font alors le tour des petits cahiers des voleurs de moto, ce qui ne donne rien. Au siège de la police judiciaire, on examine une à une les empreintes digitales des personnes fichées pour voir si elles correspondent à celles d'un individu parmi les dizaines de milliers dont regorgent les classeurs de la police marseillaise. Un travail de bénédictin. Il faut aux enquêteurs près de 2 mois avant d'arriver à un premier résultat. Pendant ce temps, le juge Patrick Guérin continue d'éplucher un à un les dossiers qu'a instruit son collègue Pierre Michel durant ses 7 ans de carrière au palais de justice de Marseille. Pierre Michel, c'est d'abord un parcours atypique, celui d'un professeur de sciences naturelles à Metz qui débarque à Marseille, capitale du crime et du trafic de drogue à l'époque. C'est pour suivre sa femme, professeur d'histoire géo, mutée en 1973, qu'il se retrouve dans cette ville. Et s'il décide de devenir auditeur de justice pour ensuite être juge après son doctorat en droit, c'est parce qu'il a déjà la conviction qu'il peut apporter quelque chose que la justice n'apporte pas à ses yeux. Paul-Louis Omeyras, ancien procureur de Marseille, témoigne. Un jour, pousse la porte de mon bureau un garçon dégingandé, élégant, les cheveux d'une longueur supérieure à celle de la norme judiciaire habituelle. Il est timide, emprunté. Il me fait connaître qu'on l'envoie en stage chez moi pour plusieurs semaines. Nous avons presque le même âge, il a 30 ans. Au hasard des conversations, il apparaît que nos personnalités quelque peu psychorigides se ressemblent. C'est un Lorrain, il en a la rigueur et le sérieux. Nous partageons la même difficulté à nous accommoder du tempérament méditerranéen et singulièrement de celui de Marseille. J'ai un peu d'avance sur lui, mais nous allons découvrir cette ville, ensemble. Pierre Michel, c'est un article 22, l'un de ces juges qui n'a pas fait l'école de la magistrature et qui a commencé en bas de l'échelle dans la poussière des dossiers classés sans suite. Une période pendant laquelle il apprend auprès des meilleurs, René Sorel, entre autres, le premier juge antidrogue de la ville qui a fait tomber la French Connection. Un an plus tard, le 31 décembre 1974, Pierre Michel est nommé juge d'instruction. Il entend bien profiter de toute l'indépendance liée à sa fonction en principe. D'emblée, il tranche avec ses prédécesseurs. C'est un juge de terrain qui aime enquêter, confondre et pister les truands. Non, c'est pas un casanier qui reste dans son bureau à signer des actes de perquisition. Pas étonnant qu'il soit apprécié des policiers qui le surnomment le shérif, comme le juge Renaud avant lui, à Lyon. Il va même jusqu'à leur signer des mandats de dépôt en blanc au cas où ceux-ci en auraient besoin. Très vite, Pierre Michel se construit sa réputation d'obstiné, travaillant parfois en marge de la procédure et pour qui le véritable devoir de la justice est de rester incorruptible, efficace. Avocat au barreau de Marseille, souvent opposé au juge Michel lors de ses procédures, Daniel Borde brosse le tableau que lui inspirait le magistrat. Moi, ce que je peux vous dire du juge Michel, c'est que j'en appréciais grandement l'intelligence et la clairvoyance. C'était un juge sévère, aussi bien dans sa pratique que dans son aspect. Et c'était un juge qui était convaincu du bien fondé de sa mission et de ses actions. À votre avis, il y avait beaucoup de gens qui avaient des raisons de lui en vouloir? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui avaient des raisons de lui en vouloir. Mais ce que je peux vous dire, et cette fois-ci sans hésitation, c'est qu'il y avait effectivement des dizaines et des centaines de gens qui lui en voulaient beaucoup. À partir de 1977, les policiers qui travaillent avec lui disent qu'il est entré en croisade contre la drogue, une sorte de mission sacrée pour laquelle tous les moyens sont bons. Aussi, lorsqu'il en vient à soupçonner les gros bonnets de la drogue de blanchir l'argent de la blanche, grâce à leurs restaurants, leurs bars ou encore leurs boîtes de nuit, il fait aussitôt fermer les établissements, saisir l'argent sur les comptes bancaires et va même jusqu'à incarcérer les femmes des barons de la drogue pour qu'elles avouent et que leurs conjoints finissent par craquer. L'une de ces femmes de parrain enceinte accouchera en prison. À méthode de trafiquant, méthode de juge, réplique Pierre Michel. Malgré des résultats probants, en l'espace de quelques années, près de 70 trafiquants incarcérés, 6 laboratoires de blanche démantelés, l'arrestation d'un réseau international de trafic de drogue, la Sicilian Connection, le démantèlement d'un réseau de fausses monnaies en 1981, le juge Michel se sent de plus en plus isolé, lâché par une hiérarchie qui préfère des méthodes, disons, plus classiques. Comme entre le marteau et l'enclume, il est aussi menacé par la pègre, car il gêne considérablement ses affaires. Et il reçoit de plus en plus de menaces de mort. Il refuse une protection rapprochée en cet automne 81, mais il le sait et il le sent, la menace se rapproche. L'histoire lui donnera raison, à l'image de ce que dit de lui un détenu, oui, un détenu, dans le journal Libération, quelques jours avant la mort du juge. Il avait une gueule chouette, mon hibou de juge. Il m'a même dit bonjour avec tant de conviction que j'en ai oublié l'absence de mon avocat. Jamais vous ne verrez autant de haine que ce que j'ai vu dans les yeux de mon juge. Je l'aime bien, mon juge. Surtout lorsqu'il se jette avec aisance en arrière pour te montrer la crosse de son arme qui dépasse du pantalon. Il me fait marrer avec ses allures de shérif à la recherche d'une gloire lyonnaise. Il sert la justice. Mon juge, il est sympa comme la mort. Mon juge à moi, j'y assisterai à ses obsèques. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, gros plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, tout, tout, tout. place où dire. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Des choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Trappling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère. Voilà 2 mois que le juge Pierre Michel a été assassiné. Depuis, les enquêteurs n'ont trouvé aucune piste ni aucun autre indice que cette empreinte digitale au dos de l'autocollant placé sur le carénage de la moto des tueurs. Mais le 31 décembre 1981, un nom ressort, celui de Charles Giardina. Petit voyou, il n'a pas la carrure ni le profil du tueur, encore moins celui d'un tueur de juge. Les enquêteurs ont vite se rendre compte, au fur et à mesure qu'il file Giardina, que celui-ci est proche d'un certain Tiaramalia, surnommé coupe-circuit, ultra-violent et capable d'exécuter n'importe quelle sale besogne. Les enquêteurs pensent alors qu'ils ont réussi à trouver les coupables du meurtre. L'annonce de leur mise en examen est annoncée un peu triomphalement par le procureur Albert Villatt. Ont été présentés ce matin au juge d'instruction. J'ai requis les inculpations suivantes contre ces personnes qui sont Monsieur Tiaramalia Gilbert, Giardina Charles. J'ai requis les inculpations suivantes. Homicide volontaire avec préméditation, complicité, recel, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et complicité. Au fil de leurs interrogatoires et de leurs perquisitions, les policiers vont alors découvrir que Gaëtan Zampa, dit Tani Zampa, parrain du milieu marseillais, a fait de nombreux cadeaux à Tiaramalia, une moto, des vêtements, l'effacement de dettes de jeu. Mais Giardina et Tiaramalia nient en bloc. Zampa, qui sera arrêté plus tard, niera aussi en bloc toute implication dans l'assassinat du juge Michel. Gaëtan Zampa, figure emblématique du grand banditisme français, celui qu'on surnomme le caïd de Marseille, règne sur le milieu de la drogue dans la cité phocéenne au début des années 80. Avec lui, le mythe réécrit la réalité et la réalité se laisse absorber par le mythe. Il tremperait dans tous les trafics, il gérerait plusieurs bars et boîtes de nuit, l'or et des laboratoires de drogue. Il serait aussi l'auteur de règlements de comptes et d'exécutions, un par un quoi. En juillet 1981, à Saint-Maximin, le juge Michel est à 2 doigts de l'arrêter. Après une enquête de plusieurs mois, il démantèle un laboratoire de drogue et arrête 10 malfrats connus, dont Omer Filippi, l'un des proches du clan Zampa. Il saisit des armes de gros calibre et 27 kilos d'héroïne qui étaient en phase de transformation. Dans un des carnets relevés lors d'une perquisition au domicile d'un suspect, surprise, on trouve le numéro de téléphone de Gaëtan Zampa. L'une des personnes interpellées, un dénommé Marc Chambaud, accepte de parler. Il balance, il déballe tout sur les méthodes et les affaires du clan Zampa. Rendez-vous est pris avec le juge Michel le 22 octobre 1981, le 21. Entre-temps donc, il est assassiné. Gaëtan Zampa, le gros poisson, il a l'envergure, il a les moyens d'organiser l'assassinat d'un juge, lui. Et il l'a immobile, quelques mois plus tôt, à Saint-Maximin, Pierre Michel lui a encore fait perdre un laboratoire et beaucoup d'argent. Mais ce ne sont là que des présomptions, les enquêteurs n'ont aucune preuve. Et puis Zampa est introuvable, de toute façon. Il faut attendre 2 ans, en novembre 1983, pour qu'ils arrivent à l'interpeller dans le cadre d'une affaire de fraude. Mais le parrain nie en bloc. Non, il n'a pas fait tuer le juge Michel. 8 mois plus tard, dans des circonstances encore troubles, Zampa se suicide dans sa cellule. Il emporte avec lui ce qu'il sait. L'enquête repart à zéro. Nous sommes en août 1984, bientôt 3 ans après le meurtre du juge Pierre Michel. On n'a toujours pas de coupable. Alors le spectre de l'assassinat du juge Renaud semble se dessiner. Jamais, jamais on a réussi à trouver un coupable et donc une explication à l'élimination du juge Lyonnais en 1975. En sera-t-il de même pour celui-là? On finit par le penser un peu résigné quand une autre affaire, venue de Suisse celle-là, va relancer l'enquête. Le 10 novembre 1985, une vaste opération antidrogue menée conjointement par la DEA américaine, les STIP français et les Carabinieri, dans un chalet du canton de Fribourg en Suisse, permet l'arrestation de 11 trafiquants internationaux, dont 4 Français fichés au grand banditisme. Cerise sur le gâteau, 11 kilos de blanches sont saisis. Les Français arrêtés s'appellent Philippe Visgril, François Scapula et un duo de moins gros calibre, Charles Altieri et François Tchèque. 6 mois plus tard, les langues se délient. Philippe Visgril, le chimiste de la bande, finit par avouer qu'il connaît ceux qui ont fait le coup, mais sous couvert de l'anonymat, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi ni comment ils ont monté leur affaire. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on m'a dit que Chesky et Altieri ont trempé dans un vilain coup et que, depuis, François Girard prend soin d'eux. Il les gâte. J'ai fini par comprendre que ce sont eux qui ont probablement abattu le juge Michel sur sa moto à Marseille. Si une autre personne connaît toute la vérité sur cette histoire, c'est bien François Scapula. Altieri pilote la moto, Tchèque tire avec le revolver sur ordre express de François Girard, l'un des parrains marseillais emprisonnés par le juge Michel, un proche de Gaëtan Zampa. Pour les enquêteurs, l'histoire se tient et la piste semble solide. Pour le juge François Badi, qui succède à Patrick Guérin pour instruire l'affaire, la priorité est désormais d'entendre François Scapula, bras droit de François Girard et ami d'enfance de ce dernier. Or, à la surprise des enquêteurs, dans sa prison suisse, François Scapula craque. Il brise la loi du silence des malfrats en échange de sa non-extradition vers la France. Il bénéficie d'ailleurs d'un accord avec les Américains de la DEA et de son programme de protection de témoins, avec la possibilité de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Alors il confirme l'histoire racontée par Visgril. Altieri était le chauffeur, Tchèque le tireur, et François Girard, ainsi qu'Omer Filippi, un autre proche de Gaëtan Zampa, les commanditaires. Quelques années plus tard, il accorde une interview au journaliste de France 2, visage masqué, voix déformée. Il explique pourquoi il collabore avec la justice. Parole de repenti. Le moins de gens me reconnaîtront, le mieux ça sera. Il y a certains sûrement qui veulent encore attenter à ma vie. Je savais qu'ils avaient une loi sur le repenti, et je savais qu'ils tenaient leur parole. La raison est là, et je savais que c'était possible de faire le minimum de prison. Lorsque vous avez plus de 40 ans de prison sur le dos, plusieurs affaires dans plusieurs pays différents, on vient vous proposer d'être libre rapidement et de refaire votre vie sous une autre identité. J'ai décidé de collaborer, et c'était la chose primordiale, c'était que premièrement, je serais considéré que comme témoin, dans l'histoire, c'est ce qui est la vérité. Et deuxièmement, que la France ne demanderait jamais les extraditions pour les condamnations par défaut que j'avais. Mais la déposition d'un truand est scellée malgré une apparente bonne foi. Que vaut-elle pour la justice? Entendu par les policiers, François Tchèque finit lui aussi par craquer. Les larmes aux yeux, il se résigne. Je vais tout vous dire, c'est moi. Après plusieurs jours de tergiversation, il finit donc par balancer son ami d'enfance, Charles Altieri, qui lui aurait proposé d'assassiner un gars qui aurait fait un mauvais coup à la bande. Mais il ne savait pas qu'il tuerait un juge. La moto est fournie par Tiramalia. Charles Altieri avoue également, avant de revenir plus tard sur ses déclarations. Mais pour les enquêteurs, il y a assez d'éléments, maintenant, pour aller au procès. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat du juge Michel à Marseille. Dans quelques minutes, nous donnerons la parole à notre invité, Éric Pelletier. Il est l'auteur avec Jean-Marie Ponto du livre intitulé « Qui a tué le juge Michel ?» paru en octobre dernier aux éditions Michel Lafon. Grâce aux révélations venues de Suisse, le procès s'ouvre aux assises d'Aix-en-Provence en juin 1988. Dans le box des accusés ont pris place quatre personnes. François Tchéqui, le tireur, le commanditaire, François Girard, l'autre commanditaire, Omer Philippi, lui, c'est volatilisé, ainsi que leurs deux épouses qui auraient joué les coursiers depuis la prison des Baumettes. Entre-temps, le pilote de la moto, Charles Altieri, s'est évadé de sa prison suisse. Durant les audiences, François Girard crie au complot. Les deux seuls éléments qu'il accuse sont deux témoignages, ceux d'Altieri et de Scapula, absents du procès. À la barre, François Girard affirme même être victime d'une machination. Il n'est pas coupable. On peut m'accuser de bien des choses, dit-il, mais pas d'avoir tué un juge. Oh, ça non. Mais Girard a le profil pour tuer un juge. Il est un gros bonnet, il est de ceux qui prennent les décisions. Alors, aurait-on pu tuer le juge sans son accord ? Possible, tout est possible, mais les enquêteurs sont convaincus qu'il est le donneur d'ordre, celui qui a accordé le permis de tuer. Surtout qu'il est immobile, c'est le juge Michel qui l'a mis en prison pour trafic de stupéfiants, pour 20 ans. L'accusation repose donc uniquement sur des témoignages. Visgrill, Altieri, Scapula, des confidences de truands qui accusent un autre truand. Le verdict est rendu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1988. Tous les prévenus sont condamnés, à l'exception des épouses, des commanditaires. Donc, Charles Altieri, le pilote, perpétuité par contumace. François Tchéqui, le tireur, perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. François Girard, le commanditaire, condamné à perpétuité. Omer Philippi, l'autre commanditaire, perpétuité par contumace. Charles Altieri est arrêté à Chypre en 1993. Il sera rejugé et condamné à perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Il est depuis revenu sur ses aveux. Pourtant, dans ses déclarations figurent de nombreux détails identiques à ceux décrits par Tchéqui. Quant à Omer Philippi, des rumeurs du milieu disent qu'il aurait été abattu par des proches de Gaëtan Zampa, qui lui reprochaient la mort du juge. François Tchéqui, l'homme qui a tiré sur le juge Michel, livrera cette confession étonnante plus tard. « J'ai tué un homme, pas la magistrature. J'ai fait le tour de France des prisons. Je suis resté 8 ans en quartier d'isolement. J'en supporte les conséquences. C'est normal. Mais si je reconnais sans discussion être l'auteur de cet acte que je regrette profondément désormais, j'affirme qu'en ce jour d'octobre 1981, j'étais persuadé de participer à un simple règlement de compte entre voyous. J'ignorais absolument que la victime qui m'avait été désignée était un magistrat. Quel gâchis !» Pour la justice, les assassins du magistrat Pierre Michel sont condamnés et le dossier est définitivement bouclé. Le juge Renaud, le juge Michel, tous les deux ont payé de leur vie, leur conscience professionnelle, leur idéal de justice. Ils sont les Falcone et Borsellino français. Raconter leur histoire, c'est aussi rendre hommage à leur courage. Affaire sensible sur France Inter s'y sera attelé, et pour l'un et pour l'autre. And Sensible aujourd'hui, l'assassinat du juge Michel, et notre invité, c'est Éric Pelletier. Bonjour. Bonjour. J'ai dans les mains le livre que vous avez écrit, qui est sorti en octobre dernier, Qui a tué le juge Michel, avec ce sous-titre, une enquête fascinante dont Marseille est l'héroïne. Je ne sais pas s'il y a un jeu de mots avec héroïne, peut-être. Enfin, peu probablement. Importe, peu importe, probablement. On a vraiment rendu hommage au juge Michel avec un livre, un film, bon, une émission aussi, mais pas surtout un livre. Et un film, d'ailleurs, vous l'avez vu ce film, La French, hein ? Bien sûr, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au fait qu'on vient d'exposer, s'il y a une rigueur dans les faits, sachant que c'est une fiction inspirée d'un fait réel, donc avec une certaine liberté aussi. Oui, vous avez tout dit. Je crois que c'est un excellent polar. Il y a une reconstitution minutieuse de l'atmosphère des années 70, qui nous fait pas de mal. Hein, quand on voit à l'écran les gitanes, les clopes, les flingues, on est vraiment dans Marseille des années 70. Donc, de ce point de vue-là, c'est une réussite. Lelouch est excellent dans Zampa. Pour autant, moi, ce qui m'a un peu surpris, ayant suivi le détail de la vie de Michel, c'est que finalement, je ne m'attendais pas à un documentaire, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a certains contresens sur le parcours de Michel, où on le voit, par exemple, prendre le thé au ministère de l'Intérieur chez Defferre. C'est absolument inimaginable. Parce que c'est Defferre, parce que procéduralement parlant, on n'imagine pas un juge d'instruction, et surtout pas Michel, aller demander au ministre de l'Intérieur de lui confier une enquête. Oui, en tant que maire de Marseille aussi. Bien sûr. Mais il est tout ça à la fois, et patron de journaux. Enfin, ça paraît incroyable. Encore une fois, on est dans des années de folie, dans les années 70. Alors, pendant ces années-là, effectivement, le juge Renaud est assassiné, donc en 75. Le juge Michel est déjà magistrat. Mais il est tout jeune magistrat, absolument. Il est déjà magistrat. Et il dit quelque chose sur l'assassinat de Michel. Oui, c'est Renaud. Ce que rapportent ses proches. Quand Renaud est assassiné à Lyon, dans les circonstances qu'on sait, hein, par le milieu, mais on ne connaît pas les auteurs, Michel a cette phrase. Il dit, et chez nous, finalement, il y en a tellement qui meurent dans leur lit. Donc il lui rend hommage de cette manière. C'est un juge qui descend dans l'arène, qui va au contact et qui veut faire changer les choses. C'est pour ça que les policiers l'aiment beaucoup, parce qu'il fait le même métier qu'eux, finalement. C'est un flic. Enfin, ouais. C'est un juge flic. En tout cas, c'est ce que disent les voyous. Alors, à Marseille, une salle d'audience au tribunal porte le nom du juge Michel, pour le moins. Et il reste avec le juge René Sorel, l'une des grandes figures de la magistrature dans sa lutte contre le trafic de drogue en France. 33 ans après les faits, après les enquêtes du juge Michel, après sa mort, que reste-t-il du travail du magistrat? Je pourrais la poser la question de façon différente, finalement. Marseille a-t-elle été nettoyée? La réponse, on l'a dans l'actualité. Non, Marseille n'a pas été nettoyée. Maintenant, il faut faire attention au miroir déformant. On voit Marseille au travers des prismes des règlements de compte dans les cités. À l'époque, il y avait beaucoup plus de règlements de compte. L'héroïne était partout et surtout, l'héroïne était exportée. Marseille était une tête d'épingle dans le sud de la France, mais c'était une zone de guerre pour les Américains qui nous envoyaient les agents de la DEA, qui essayaient de faire pression sur le gouvernement français à bon escient, parce que le gouvernement français était un peu passif. Et Michel est l'héritier de tout ça. Il est l'héritier du juge Sorel, qui combat la French Connection. Et quand Michel arrive au début des années 70 en poste à Marseille, on a le sentiment que la French Connection, c'est derrière nous. Et pourtant, avec un certain nombre de policiers de terrain, il va tirer les derniers fils de la French Connection et révéler qu'en réalité, les labos tournent toujours. Voilà, donc on est vraiment dans les héritiers, les derniers héritiers de la French Connection, c'est bien ça. Mais totalement, bon. Totalement. Alors, je l'ai dit, on l'a raconté, avec son travail, le juge Michel s'est forgé tout un faisceau d'ennemis potentiels, parmi lesquels on trouve les ennemis réels qui l'ont tué. Est-ce que, comme pour le juge Renault, qui a enquêté sur des malversations politico-financières, est-ce que le juge Michel a enquêté sur ce genre d'affaires ? Il est surtout spécialiste en réalité des stupes. Alors on sait qu'à Marseille, il y a un certain laisser-aller, tout est imbriqué. On viendra sans doute sur l'itinéraire de Philippi, qui est un des personnages clés, qui lui est à la confluence du milieu et des milieux politiques. Pour autant, je ne dirais pas que Michel est sur la piste, comme certains ont pu l'évoquer, est sur la piste de Gaston de Fer. Mais c'est vrai qu'il a une certaine réticence vis-à-vis des milieux politiques. Et finalement, il a un peu la nuque raide dans une ville de compromis, voire de compromission, parfois. Alors justement, chacun évidemment le regard qu'il entend avoir sur cet aspect du problème. Quelques mois après la mort du juge Michel, éclate l'affaire des fausses factures à Marseille. On va écouter ensemble le journaliste Jacques de Rogy qui livre une... Bon, c'est un enquêteur, hein, Jacques de Rogy, c'est l'un de nos plus grands enquêteurs. Il livre une étonnante mise en perspective des faits par leur chronologie au micro de France Inter. Nous sommes en février 1984. À ce moment-là, les assassins du juge Michel n'ont pas encore été retrouvés. Trois mois après la tuerie d'Auriol, le juge Michel est assassiné. Et là encore, on n'a pas exactement ni les mobiles, ni le nom des assassins. Oui, même si on subodore les mobiles... On subodore, on voit bien que ça tourne autour du trafic de drogue, puisque c'était le principal trafic désorganisé par ce juge. Et puis, six mois après le juge Michel, il y a le suicide ou la mort étrange de René Ducey, qui s'est perforé la tête de deux balles, toutes deux mortelles. Mais derrière cette énigme est apparue tout à coup toute une affaire fantastique, cette fois de délinquance en col blanc, et la plus grande magouille découverte depuis des années, l'affaire des fausses factures. On parlait tout à l'heure de factures dans une municipalité, de peinture dans une municipalité. Marseille, ce n'était pas des pots de peinture, c'était des factures, et pas seulement à Marseille. Tout ce trafic de fausses factures, qui a éclaboussé bien sûr la mairie de Marseille notamment, aussi la sécurité sociale, mais s'est répandu à travers toute la France, dans les hôpitaux, dans la région parisienne, dans des municipalités de toutes les couleurs. Ce qui fait qu'on a affaire là à une gigantesque affaire de délinquance en col blanc dont on n'est pas encore sorti, dont on va dévider toute la pelote. Alors je ne sais pas s'il faut établir effectivement le lien entre cette pelote dont parle Dorogy et l'assassinat du juge Michel. Le lien, en tout cas, c'est Marseille. Il y a une unité de lieu et une unité de temps, comme Jacques de Rogy vient de le rappeler. C'est-à-dire que ce sont des affaires en série. D'ailleurs, si je me souviens bien, il écrit avec Jean-Marie Ponto, qui vient de signer le livre avec moi, Les mystères de Marseille. Marseille, oui. Voilà, ça dit tout. On a toute une série d'affaires qui arrivent à peu près au même moment, qui pour certaines sont politiques, pour d'autres relèvent du milieu. Mais disons que l'affaire du juge Michel est sans doute la plus emblématique. Alors, on a arrêté, contrairement à l'affaire du juge Renault, là, on a des coupables qui ont été jugés, condamnés, et qui, pour certains, ont purgé leur peine. Mais il y a une autre question, peut-être. A-t-on arrêté les bons coupables ? En tout cas, on a arrêté les assassins. Sur les tueurs à la moto, il n'y a aucun doute. On a des aveux circonstanciés, vous l'avez rappelé. Les deux tueurs à la moto ont aujourd'hui purgé leur peine, et au regard en tout cas de la justice, et sont en liberté depuis l'automne dernier. Oui, quelques mois. Oui. C'est voilà, c'est ça. C'est tout récent. Alors, ensuite se pose la question du pourquoi et donc du commanditaire. Nous, ce qui nous a frappé quand même, c'est que dans ce dossier, il restait un certain nombre de zones d'ombre. On a un commanditaire essentiel, François Girard, qui lui est condamné. Et le problème, c'est qu'il est condamné sur des éléments qui sont des éléments de déclaration. On vous l'a dit, ce dossier repose sur des aveux. Des aveux. Alors évidemment, on n'attend pas d'avoir des bonnes sœurs qui vont nous raconter ce qui se passe dans le milieu, mais là, on a des aveux de voyous balançant d'autres voyous dans des circonstances un peu particulières. Moi, pour vous dire les choses, je pense que si ce procès s'était déroulé aujourd'hui, il se déroule en 88, au regard des règles qui sont les nôtres, des règles de droit, on aurait dû débattre de manière contradictoire de ce que disait M. Skepler. Or, personne n'a voulu l'extrader, personne n'y avait intérêt. Il était planqué chez les Suisses, il ne souhaitait pas venir en France pour échapper à la justice française puisqu'il était recherché dans une affaire. Et son vœu le plus cher, on l'a entendu dans l'archive sonore, c'était de refaire sa vie aux États-Unis, ce qu'il a peut-être finalement réussi à faire. Donc si il y a un autre commanditaire au-dessus de François Girard, évidemment, on pense à Gaëtan Zampa. Mais on va en parler dans 3 minutes, Eric Pelletier. Notre confrère Éric Pelletier, qui a écrit le livre qui a tué le juge Michel avec Jean-Marie Ponto, que nous avions reçu il y a quelques semaines, est là avec nous donc dans Affaires Sensibles pour parler de l'assassinat du juge Michel et de l'enquête. Alors, Gaëtan Zampa. Donc Gaëtan Zampa n'est jamais inquiété dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du juge Michel parce qu'on n'a pas de preuves. Voilà, on est dans un état de droit. Donc la police et la justice ne mettent pas, enfin, la justice ne met pas en prison sans preuves. C'est comme ça, même si ça ne fait pas plaisir, vu la personnalité, l'action de Gaëtan Zampa. Déjà, un mot sur ce caïd de la pègre marseillaise qui inscrit son nom, évidemment, en lettres de sang, mais en grosses lettres, dans l'histoire des caïds marseillais. Ah oui, c'est le parrain, même au niveau national, mais en tout cas, il incarne tout ce que Marseille a pu porter comme mythe au niveau du banditisme. C'est l'ombre du milieu portée sur la ville et il dirige un certain nombre de choses dans cette ville. Un peu, c'est le phénomène sans doute clanique, sans pour autant parler de mafia, on est assez proche, d'ailleurs, il est d'origine italienne. Et puis, sur le plan de la personnalité, c'est quelqu'un qui est très nerveux, pas très stable de manière psychologique. Enfin, psychopathe, quoi. Ça, c'est pas loin. De l'ordre de la psychiatrie, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des problèmes, qui a des problèmes psy, et puis qui, enfin, qui est toujours... Enfin, il fait tuer... Comme nous, on va se promener, quoi. Alors, en tout cas, je ne suis pas sûr que ça a été prouvé, mais en tout cas, il pèse sur ce milieu et il est toujours aux aguets. Il a bien le sentiment qu'il est lui aussi potentiellement une cible. On a discuté avec un policier qui l'a arrêté et qui nous disait, qui nous rapportait cette confidence. Zampa lui dit, tu sais, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est comme si j'avais fait 10 Vietnam. Il est sans arrêt aux aguets et il a peur d'être tué. Alors, il se suicide en prison. Bon, a priori, c'est un suicide. C'est ce qui a conclu l'enquête, effectivement. Bon. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas jusqu'à... Parce qu'il est arrêté pour fraude fiscale, c'est ça, hein ? Voilà. Alors, la subtilité, vous l'avez détaillée, c'est une subtilité procédurale, mais elle est d'importance. Au moment où Michel est tué, tous les regards se portent vers Zampa, à tel point que son nom filtre assez vite dans la presse. Et Zampa s'empresse d'appeler, c'est une scène de film, mais celle-ci est réelle, d'appeler le patron de la PJ, Sanguy à l'époque, en disant je veux venir vous voir. Et Sanguy, qui est un flic à l'ancienne, qui comprend bien aussi qu'il n'y a pas assez d'éléments pour l'inculper, lui dit, écoutez, monsieur Zampa, le jour venu, je saurai où vous vous trouvez, ne vous inquiétez pas, et je viendrai vous chercher. Et puis on décide de venir le chercher, mais pas dans le cadre de l'affaire où on a trop peu d'éléments, c'est encore assez ténu, mais en fait, il y a un tel émoi qu'en France, on lance une opération main propre, ou en tout cas, à Marseille, une opération main propre, et qu'on vise Zampa au portefeuille. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va être arrêté, effectivement, après une période de cavale. Il est arrêté en novembre 1983. Alors, vous avez peut-être, une intime conviction. Quand on travaille sur un dossier comme ça, on se pose des questions. Alors, on n'a pas les réponses officielles aux questions, mais d'après vous, est-ce que Zampa est derrière et a quelque chose à voir avec l'assassinat du juge Michel ? Car il aurait pu avoir de bonnes raisons. pas de bonnes raisons. Des raisons à lui, hein, dans sa logique à lui, évidemment. Oui, oui, potentiellement. Alors, votre question est intéressante. Si vous posez la question au journaliste qui se concentre sur les faits, je vais dire qu'il est totalement extérieur. Mon sentiment, si j'étais un juré, je dirais qu'il a quand même eu un certain nombre d'informations qui lui sont remontées de ses capteurs, que peut-être il a su qu'il allait se tramer quelque chose, que sans doute il connaissait le nom des assassins et qu'il n'a rien fait pour empêcher le crime. Mais c'est une supposition. Alors, est-ce que l'échec de l'enquête sur le juge Renaud a eu un poids psychologique sur ce dossier? Je veux dire, est-ce qu'il fallait avoir un coupable? Et voilà, on avait François Girard, un bon coupable, par exemple, parce que quand même, parrain notoire et caïd du milieu, déjà à la disposition de la justice, parce qu'il était en prison. Est-ce qu'il fallait avoir un coupable? Il y avait en tout cas une pression énorme, hein, vous l'avez rappelé, c'était le deuxième magistrat assassiné. Je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête. Le livre, c'est bien sûr l'hommage rendu à un magistrat exceptionnel, une vision d'une ville, mais aussi la perception qu'on a d'une époque. On a peut-être un peu oublié que tout ça se situe en 1981, qu'on est là dans une France qui est très divisée. Un petit rappel quand même du parcours de Michel, qui lui vient plutôt d'une famille conservatrice, qui n'est pas un magistrat de gauche fondamentalement, mais qui va rejoindre le syndicat de la magistrature. Pourquoi ? Donc, ce syndicat de la magistrature, à l'époque, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment le syndicat des juges dits rouges dans cette période-là. Et pourquoi ? Parce qu'il veut bousculer les choses. Il a le sentiment que tout est cadenassé, qu'il ne peut pas avancer. Et cet homme qui a commencé avec des opinions de droite, voire d'extrême droite, quand il était tout jeune, va évoluer et on le voit à l'avant-dernier meeting de campagne de Mitterrand, en 1981 à Marseille. Et il y a eu un basculement dans son évolution d'homme, dans son évolution politique. Ce basculement, c'était la peine de mort, parce que s'il était un juge répressif, Michel était un juge vraiment opposé fondamentalement à la peine de mort. On rappelle qu'il était prof auparavant. Oui, il a commencé comme ça. Il n'a pas directement intégré la carrière de magistrat. D'ailleurs, il a eu le fameux article 22. Il y a deux articles, 22 et 23. On n'est pas obligé de passer par l'école nationale de la magistrature. Alors, il est un peu meurtri par ça. Et sans doute, il a un sentiment de revanche vis-à-vis d'autres confrères. Et puis, il va très vite trouver sa place. Il arrive tout jeune et timide à Marseille. Et puis, on le retrouve quelques années plus tard. C'est un peu le père des juges d'instruction marseillais. Et puis, je dirais, un peu le père des juges d'instruction modernes. Alors, on s'est écarté un petit peu du cas Zampa. On est arrivé au juge Michel, c'est normal. C'est le sujet de notre histoire. En tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui est convaincu de l'innocence de Gaëtan Zampa, c'est son fils, Mathieu Zampa. Alors, évidemment, c'est son fils. Mais bon, je ne sais pas ce que vaut ce témoignage, mais c'était un témoignage qui fait partie de cette histoire. Et à ce titre, il est intéressant, on l'écoute. Écoutez, mon père ne m'a jamais parlé de ses affaires, mais c'est bien la première fois que j'entends parler de ses noms. J'ai lu les journaux, comme tout le monde ce matin, et bon, il semble que l'affaire sur l'assassinat du juge Michel ait enfin trouvé un épilogue. Je suis surtout déçu, car mon père n'est plus là aujourd'hui. Et il est clair qu'à partir du jour où mon père a été arrêté, on a voulu lui mettre l'assassinat du juge Michel sur les épaules, et le délit fiscal était bien mince. Vous êtes catégorique, Gaëtan Zampa n'a pas été mêlé à cette affaire, mais est-ce qu'on peut poser la question quand même, est-ce qu'il était au courant au moins de cette affaire? Deux réponses. La première, mon père, lorsqu'il était en prison, il est resté 8 mois en prison, le juge Guérin, chargé avant le juge Badi du dossier, ne l'a jamais interrogé. Et mon père, pourtant, lui avait envoyé des tas de lettres. Il lui disait « Mais venez, profitez que je suis là. À quoi ça tient, ce délit fiscal? Ce n'est que de la merde. » Parce que des affaires comme le Krypton, il y en avait toutes les semaines sur les bureaux du syndic. Mais pourquoi? Si on a essayé de faire tomber mon père pour la mort du juge Michel. Voilà, cette archive date du 10 mai 1986. En tout cas, l'année 1986, d'ailleurs, il dit à mon père n'est plus là, car son père, Gaëtan Zampa, est mort en 84. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette archive. Bon, évidemment, c'est son fils, donc on n'attend pas autre chose, mais c'est intéressant quand même. Non, mais il s'exprime en tant que fils, c'est intéressant, il rappelle le contexte. Peut-être pour les auditeurs, le Krypton, c'était la boîte de nuit de Marseille, tenue en sous-main par Zampa, ou même de manière quasi officielle. Voilà, il faut prendre cet élément comme un témoignage, bon, certes affectif, mais un témoignage personnages parmi d'autres. Vous me disiez que parmi les personnages dont on a parlé, ce Filippi, alors lui, il a eu un rôle important. Ah, c'est un personnage extraordinaire qui nous renvoie à une génération qui est la génération de Zampa. Alors lui, il a un parcours, il est le fils de l'entraîneur de boxe de Marcel Cerdan, fils, et il rompt assez vite avec son milieu pour partir sur la mer. Voilà, Homer prend la mer d'une certaine manière et part sur les lignes d'Extrême-Orient, il devient marin, et puis au retour, on le retrouve dans le milieu du banditisme à Marseille, à Paris, et il fait partie des gens qui sont condamnés dans le cadre des multiples dossiers de la French Connection. Et le voilà embringué dans cette histoire. Alors on a raconté son parcours, c'est-à-dire qu'il est à la fois un voyou, mais il rend des services sur les services d'ordre, par exemple, au PS marseillais. Il est de cœur proche du PS. D'ailleurs, il se réjouit de la victoire de Mitterrand en 81. Et puis, il est embringué dans cette histoire parce que son nom est cité par Scapula, qui le balance. Personnage très intéressant parce qu'en réalité, les policiers ne le trouveront jamais. Il va disparaître et à ce jour, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Alors, ce qu'on sait concernant la French Connection, c'est que les Américains ont fait une pression énorme. Nixon n'en pouvait plus de voir ces transformations en héroïne qui, à Marseille, hein, et qui était vendue aux États-Unis. Donc il a lancé sa grande campagne en disant que le mal absolu, c'était la drogue qui faisait mourir les jeunes. Et Nixon a mis une pression énorme sur la France et sur Marseille pour qu'on démantèle la French Connection. Et dans le récit, on voit qu'ils sont encore là, les Américains. Là, ils sont encore là. Ah oui, petite ironie de l'histoire. Finalement, si ce dossier aboutit, le dossier de l'assassinat du juge Michel, on a vu qu'il était bloqué à Marseille avec un personnage, Sierra Maglia, qui ne parlait pas. Et pendant des années, on a le sentiment qu'on passe à autre chose. L'héroïne déferle sur la France et le dossier Michel est un peu oublié. Et finalement, c'est un des multiples dossiers, purement de stup, qui va permettre de dénouer le mystère Michel, puisque la DEA va infiltrer dans un des réseaux un agent, va acheter sur les fonds du narcotique bureau des stups 3 kilos de morphine base qui vont être remis à la gare Saint-Lazare à Paris dans un réseau, arrêté au Paco en Suisse. Et parmi les personnes interpellées figurent donc les Marseillais qu'on a évoqués et notamment la future balance Françoise Scapula. Alors, un mot de Françoise Scapula et puis on aura fini nos portraits des protagonistes de cette histoire. Son nom est connu, hein. Un mot pour Scapula, c'est dur, parce que c'est une encyclopédie, c'est une encyclopédie du milieu. Il fait partie de cette génération de trafiquants de drogue qui se voient d'abord comme des hommes d'affaires. C'est pas un braqueur, il met son argent dans des banques, il parie sur le cours du yen, il va en Suisse pour aller placer son argent, et c'est d'ailleurs pour ça que, dans un premier temps, les policiers ne le voient pas comme un assassin. C'est d'abord, dans son esprit à lui, et c'est comme ça qu'il se présente, un homme d'affaires, à tel point que son dernier grand coup qu'il veut réaliser, c'est d'affréter un Boeing pour amener directement de la morphine base du Cambodge aux États-Unis. Il est comme beaucoup de gens de la pègre, des hommes d'affaires, ils se revendiquent comme tels. Vous me laissez faire mes affaires, si vous mettez les bâtons dans les roues, je cogne. En gros, c'est ça, c'est souvent ça. Scapula, c'est ça en tout cas. Oui, ça y ressemble et c'est précisément ce que la justice a décidé en ce qui concerne les assassins du juge Michel. Merci beaucoup Éric Pelletier. Je rappelle le titre de votre livre en vente en ce moment, il vient de sortir. Hein. Qui a tué le juge Michel avec Jean-Marie Ponto chez Michel Lafon. Merci, au revoir, à bientôt. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'assassinat du juge Michel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire du GAL, une affaire de terrorisme d'État.